Oh, Thank you. C'est épouvantable, c'est excitable, c'est

qui n'a jamais eu l'intention d'attenter un beau jour. Savez-vous d'aller tout seul?